comme l'automne, à la voix monotone de mes larmes, je me rapproche comme cet arbre qui devient moche. L'été me rend frivole, l'énergie est à 1000 volts. Vers les horizons je m'envole, l'étincelle est bien trop forte. Le voyageur devient français à la croche, à ses cordes ma voix monocorde. Son ton grave me met dans sa poche. Le joueur de violoncelle m'accroche. Petit à petit, on comprend les interdits.